Encore heureuse de vous retrouver. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les titres. Les habitants proches du camp militaire d'Omoudoubougou en commune Gihanga en conflit foncier avec cette institution se plaignent de ne plus avoir accès à leurs champs. Ils demandent aux instances habilitées de trancher. Notre correspondant nous fera le point. Et la cherté de la vie liée à la montée des prix des denrées alimentaires engendre une mésentente entre les conjoints de la zone Boutelélé en mairie de Bujumbura, disent-ils. En ce qui concerne les moyens pour nourrir leur famille, c'est un reportage à suivre dans cette édition. Le président de la Fédération burundaise de volleyball indique que les participants à la compétition de beach volleyball ont apprécié son organisation. Vous aurez les détails dans cette édition. Et la chronique sportive de ce lundi, vous suivrez comment le tennis de table au Burundi a évolué. Albert Ndouayo assure la mise en onde à la présentation de Oreb Ingabire. Tout de suite, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Certains habitants de la zone Boutelélé en mairie de Bujumbura disent que la cherté de la vie liée à la montée des prix des denrées alimentaires fait que les conjoints ne s'entendent pas bien sur les moyens nécessaires pour nourrir leur famille. Ils trouvent que 10 000 francs burundais ne suffisent plus pour nourrir à midi une famille de 5 personnes et estiment que la solution serait de revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité. C'est un reportage signé Omer Ndouaï. Kare ukoreye n'ivyo bihumbi bitanu warateka mu ijoro ukajya ugahaga mu gatondo karonka umushusho ariko ubu uyi wayaronka ukamengana ibipapuro Elle dit avoir une famille de 5 personnes dont 3 enfants. Virginie Nyonzima qui déplore que la vie est chère aujourd'hui par rapport aux années antérieures. Elle se base sur une ration de 10 000 francs burundais qui ne peut plus nourrir sa famille de 5 personnes pour seulement le midi. Alors que 2 ans avant, elle faisait un stock d'au moins 2 jours composé du riz, du haricot et de l'huile avec les mêmes 10 000 francs burundais. Auparavant, lorsque mon époux me donnait 10 000 francs, j'achetais du charbon pour 3 000, le haricot, le riz, l'huile, voire même des légumes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 10 000 francs sont presque insignifiants, dépendamment de la taille de la famille. Ce qui engendre des mésententes avec son conjoint, qui estime que son épouse gaspille son argent. Aujourd'hui, mon époux ne parvient pas à me comprendre parce qu'avec 5 000 francs, je ne suis plus à mesure d'acheter la ration suffisante. Il pense que je vole son argent. C'est pas facile à comprendre qu'une ration de 10 000 francs burundais ne parvient pas à satisfaire une famille de 6 personnes, s'exclame Abdul Nyonzima, père de 4 enfants. J'ai donné à peu près 10 000 francs burundais à mon épouse et la ration suffisait pour ma famille. Mais aujourd'hui, si je donne 10 000 francs, ma femme réclame que ça ne suffit pas, arguant que les prix des denrées alimentaires ont grimpé. Il demande une revue à la baisse des prix des denrées de première nécessité pour rendre la vie simple. Une peine de servitude pénale de 3 ans, une amende de 20 000 francs bou et une servitude pénale subsidiaire d'un mois. Tel est le jugement rendu ce lundi par le tribunal de grande instance de Mngaro lors d'un procès de flagrance à l'endroit de 2 hommes de la commune Kayokwe en province Mngaro. Ils ont été jugés coupables de tentative d'évasion et de destruction de leur cellule. Le premier a plaidé coupable, tandis que le second a nié les faits. Laurent Ndikuriyo nous en dit plus. Lors de ce procès de flagrance de ce lundi, l'officier du ministère public au parquet de Mwaro a accusé 2 hommes de la commune Kayokwe, incarcérés au cachot du commissariat provincial de la police de Mwaro, d'avoir, le 13 août de cette année, tenté de s'évader en détruisant les fers à béton et la tôle de là où il logeait. L'un des 2 hommes a plaidé coupable. Il a révélé au siège qu'il a détruit à l'aide d'une hache les fers à béton se trouvant au-dessus de la chambre où il logeait, en complicité avec son co-détenu avec qui il partageait la chambre. Il a précisé qu'ils ont ensuite troué la tôle avant d'être aperçus par les autres prisonniers. Pourtant, son co-détenu a nié les faits. Le siège lui a demandé pourquoi c'est lui seul pointé du doigt par son co-détenu pour avoir ensemble essayer de s'évader. Il n'a pas pu donner de justification convaincante à ce sujet. Même deux témoins détenus eux aussi à Socacho, qu'il avait requis comme prouvant son innocence, ont indiqué lors de ce procès qu'ils n'en savent rien. Après délibération, les deux hommes ont été punis d'une peine de servitude de 3 ans et le paiement d'une amende de 20 000 francs, à défaut de quoi ils purgeront une servitude pénale subsidiaire d'un mois. Ces deux hommes étaient emprisonnés à Socacho pour 2 dossiers différents, mais concernant tous des cas de vol. De moi, Laurent Dicoli, Radio Isanganiro. Merci également à toi, Laurent. Les habitants proches du camp militaire de Mudubugu en commune Gihanga, estimés à 5000 ménages en conflit foncier avec cette institution, se lamentent qu'ils sont accablés par la pauvreté du fait qu'ils n'ont plus accès à leurs champs. Ceux qui se rendent dans ces champs sont toujours chassés par les militaires qui patrouillent ces terrains. Ils demandent aux instances habilitées de trancher en déterminant les bornes séparant les deux parties. L'administration provinciale demande à ses populations de faire preuve de patience, indiquant que le problème est en cours d'analyse. Le point avec Spes Caritas Kabanyana. Ces habitants de la localité de Mudubugu qui sont en conflit foncier avec le camp militaire de Mudubugu et qui se comptent autour de 5000 ménages se lamentent et disent qu'ils sont confrontés à la pauvreté car ils ont été empêchés d'exploiter ces terrains qui couvrent une superficie de 1069 hectares. Les autorités qui sont arrivées sur terrain en décembre 2022 avaient promis que la question serait vidée dans un mois, mais ils attendent encore, comme ils le disent, et déplorent le fait que personne n'a accès à ces propriétés foncières qui sont régulièrement patrouillées par les militaires. Ces habitants des collines de Kagwema, Kihungwe, Lugunga, Chimbizi, Buhandagaza et une partie de Nyamitanga font savoir qu'ils ont déjà porté ce problème à différentes autorités comme le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur, l'ombudsman burundais, mais aucune mesure n'est encore prise jusqu'à présent. Ils demandent tout au moins l'autorisation de pouvoir exploiter ces propriétés en attendant que la solution soit trouvée. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'actualité nationale continue et parlons santé. L'Association burundaise des infirmiers plaide pour la mise en place de l'ordre des professionnels infirmiers et sages-femmes. Le président de l'Association burundaise des infirmiers indique que cela permettra de diminuer des grognes de certains patients qui disent qu'ils sont mal accueillis dans les hôpitaux. Au cours d'une assemblée générale organisée ce dimanche, Peter Taratara invite tous ceux qui travaillent dans ce domaine devraient toujours dans le respect du code d'éthique et déontologie, suivez-le. Au sein de l'Association burundaise des infirmiers, la mise en place de cet ordre des infirmiers des sages-femmes sera une bonne occasion de respecter le code d'éthique et déontologie dans le métier des infirmiers. Dans nos objectifs de fournir les soins de qualité à la population burundaise, tout le monde est au courant que les infirmiers et des sages-femmes jouent un grand rôle dans l'accueil. Ce sont eux qui interviennent à tout moment. S'ils observent quelques lacunes, nous les infirmiers et des sages-femmes, on en discute pour trouver solution et c'est dans l'ordre que toutes ces questions trouveront solution. Dans l'ordre, il y a la loi. Même des sanctions sont prévues. On ne peut pas fournir des soins de qualité à la population ou ne pas respecter les droits d'un malade. Quelqu'un qui affiche un mauvais comportement doit être suivi. Et le code l'explique. Cela figure dans le code d'éthique et déontologie du métier des infirmiers. Au Burundi, suite aux différentes péripéties, nous avons constaté que cette loi régissant le métier des infirmiers et des sages-femmes est nécessaire pour corriger toutes ces lacunes. C'était Peter Talatala, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Je vous l'avais dit dans les titres, la compétition internationale de beach volleyball qui a eu lieu à Bujumbura depuis jeudi dernier jusque ce dimanche s'est bien déroulée lors des cérémonies de clôture ce dimanche. Le président de la Fédération burundaise de volleyball est chargé des compétitions dans ce tournoi a fait savoir que les athlètes et les officiels ont apprécié l'organisation de cette compétition. Serge Nakavula espère que le Burundi pourrait avoir une autre occasion d'abriter ce genre de compétition au cas où la Confédération africaine de volleyball le demande. Suivez encore. J'ai constaté que notre pays a été honoré pour avoir accueilli cette organisation, cette compétition, parce que c'est la compétition qui nous a été utile. Comme vous l'avez vu vous-même, c'est la compétition qui a été organisée d'une façon de haut niveau. Les choses se sont déroulées comme prévu. Ça, c'est un atout pour le Burundi. Et puis le deuxième atout, c'est que ces joueurs qui sont venus ici, ils ont coté. Sur la page de la Fédération internationale de volleyball, ils ont mis la mention excellente pour toutes les choses, que ce soit au niveau de l'accueil, de la nourriture et des hôtels, que ce soit au niveau du climat, du stade, du public. Et puis, il y avait légèrement 27 millions qui ont observé donc, ces compétitions sur les réseaux sociaux YouTube de la Fédération internationale, sans oublier les autres télévisions et les autres donc, médias. Donc, vous comprendrez que nous avons été honorés en tant que pays du Burundi, en tant que fédération du Burundi, en tant que le ministère et le sport dans cette attribution pour avoir abrité cette compétition. Le Volleyball Beach World Tour est organisé en 4 étapes. C'est-à-dire il y a donc le niveau numéro 1 qui concerne donc 26 pays seulement. On invite 26 pays qui ont des points qui sont qualifiés pour cette compétition. Il y a le niveau 2 où on invite 39 pays. Il y a le niveau 3 où on invite je crois 60 pays. Et le niveau 4 où on invite plus de pays que 60. Alors maintenant, au cas où la Fédération internationale nous approche ou nous propose d'abriter encore une compétition de son niveau ou du deuxième niveau, on va toujours, comme on l'a fait la fois passée, on va donc approcher le ministère et le sport dans ses attributions. Au cas où le ministère donc accepte, nous, on va aller en tant que Fédération nationale du Burundi. L'Union européenne et le Burundi, partageons les valeurs qui nous rapprochent. Le café issu des plantations se trouvant dans les espaces dans lesquels ont été coupés des arbres en 2020 n'aura pas de marché sur le sol burundais à partir de fin décembre en 2024. Ceci a été dit ce lundi par le représentant de l'Union européenne dans un atelier à l'endroit des intervenants dans le secteur café. C'est à la première journée de la caravane organisée par l'Union européenne en collaboration avec le gouvernement du Burundi. Évariste Nzikobanyanga pour plus de détails. Ce nouveau règlement européen sur la déforestation et la dégradation des forêts a été adopté au mois de juin de cette année par le Parlement de l'Union européenne. La représentation de cette communauté explique que ce nouveau règlement a été pris pour sauvegarder les forêts naturelles en voie de disparition dans certains pays, quitte à planter des plantes industrielles comme le café au Burundi. C'est pour cette raison que le nouveau règlement européen interdit à partir du mois de décembre 2024 la vente du café sur le sol de l'Union européenne issu des caféiers plantés dans des espaces déboisés à partir de 2020. Après avoir passé en revue ce règlement dans un atelier de ce lundi aux intervenants tenus au chef-lieu de la province Kayanza, ces derniers trouvent ce règlement non fondé, expliquant qu'il a été arrêté unilatéralement. Même son de cloche avec le conseiller du gouverneur de la province de Kayanza chargé du développement. Veniste Nduimana indique qu'une fois ce règlement est mis en application, viendrait torpiller la vie des caféiculteurs pour qui le café génère de revenus chaque année. Les intervenants dans le secteur café demandent la prolongation des délais de la mise en application de ce règlement pour que tous les pays concernés puissent donner leurs avis et considérations. Cet atelier d'échange sur le nouveau règlement européen portant déforestation et dégradation des forêts a été suivi par le lancement d'une caravane de 6 jours à l'intérieur du pays pour évaluer les projet financé par l'Union européenne, caravane lancée ce lundi même à Kayanza par son représentant au Burundi. Depuis Kayanza, Evariste Ndikobanyanga, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Plus de 10 clubs de tennis de table sont déjà affiliés dans l'association de ce sport en mairie de Bujumbura. Le président de l'association burundaise de tennis de table fait savoir que ce sport se joue pour le moment dans 13 provinces du Burundi. Ali Bakumbanya explique que le tennis de table a évolué du fait que les Burundais remportent souvent beaucoup de médailles dans différentes compétitions internationales. Je vous invite à suivre cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianengen. 12 équipes fonctionnelles affiliées à la Fédération burundaise de tennis de table pratiquent ce sport en mairie de Bujumbura. Explication d'Ali Bakumbanya, président de cette fédération au niveau national. Ici à Bujumbura, nous avons autour de 12 clubs fonctionnels. Généralement, au départ, dans tous les quartiers, il y avait un club. Je citerai par exemple le club qui se trouvait à Kanyosha, le club qui se trouvait à Moussaka qui n'est pas maintenant fonctionnel, le club Muzinga, le club de l'université maintenant, il est en latence. On ne les voit pas beaucoup. Il y a le club de Nyakabiga qui a manqué la place mais qui jouait ici le stade Intwar maintenant. Il y a le club de Bwiza, il y a le club de Ngagara, il y a le club de Charama, il y a le club qui jouait à Buyenzi dans les enceintes de l'église de Buyenzi. Ces équipes éprouvent des difficultés liées au manque de télé du fait que leur télé a été démolie suite aux travaux de la construction du stade moderne Intwar. Pour le moment, notre sport connaît un petit problème du fait que nous avons perdu notre terrain qui se trouvait ici, le stade de Presseloui. Il était aux alentours du stade, alors les gens qui ont fait les plans ou l'implantation de ce stade moderne ont cru que notre terrain devrait partir pour laisser la place à cet immeuble de grande envergure. Donc pour le moment, donc, nous éprouvons un problème de rassembler les jeunes qui se trouvent dans les quartiers qui se trouvent autour de la ville parce qu'ils avaient pris l'habitude de tout jouer en commun, ensemble, sur le stade. Ce président de la Fédération burundaise de tennis de table indique que ce sport se joue actuellement dans 13 provinces du Burundi. À l'intérieur, je vais citer la province de Makamba, Bururi. Ils sont au début des activités, le temps qui fraîchit un peu. Mais il y avait un club, lui qui est en bon état, c'est un club qui travaille bien. Changuzo, il y a Gitega qui travaille bien, il y a Muramvya, il y a aussi Bubanza, il y a Kayanza qui n'est pas encore fonctionnel, mais il y a Ngozi, Muyinga, Kirundo et qui sont vraiment en bon état. Ali Bakumbanya fait savoir que les joueurs burundais de tennis de table se sont bien comportés lors des compétitions régionales qui se sont déroulées au Rwanda au début de cette année 2023 en décrochant 3 médailles. Je voudrais dire que nous n'avons pas beaucoup de sorties vers l'extérieur, à part que au début de cette année, nous avons pu participer à un tournoi qui a été organisé par le Rwanda, qui avait comme membres le pays Kenya, Ouganda, Burundi, Rwanda. Nous avons pu participer. Et nos joueurs ont pu amener des médailles en bronze. Il ajoute que ces joueurs ont affiché également la bonne performance le mois de juillet de cette année lors des compétitions africaines qui se sont déroulées en République démocratique du Congo. Et nous venons aussi d'avoir une sortie qui nous a amené jusqu'à Kinshasa et dans les jeux de la zone. Et là aussi, nous avons pu envoyer 4 joueurs, dont des filles et des garçons, tous seniors. Le CG se sont soldés avec, je ne dirais pas une victoire, mais un élan qui nous a donné une place d'une fille qui pourra participer aux Jeux africains et qui auront lieu l'année prochaine et qui prépareront les Jeux olympiques. Dans la prochaine chronique sportive, Ali Bakumbanya donnera les orientations qui peuvent contribuer à la promotion de tennis de table au Burundi. Et c'est par là que ce journal prend fin. Merci encore pour votre oreille attentive et fidèle. Albert Ndouaïo assurait la mise en onde à la présentation de Horeb Ingabire. Bonne suite des programmes sur Isanganiro.